Donc, bonjour mes frères et sœurs, et nous continuons notre méditation sur le livre de l'Apocalypse. Prions ensemble, si vous voulez bien. Notre bon Père du ciel, nous avons vu la dernière fois ton trône dans le ciel. Et tu nous as décrit par l'apôtre Jean ta personne. Et ce matin, nous allons voir qu'il y a quelqu'un d'autre d'assis sur ce trône avec toi, qu'on va identifier comme étant l'agneau de Dieu. Conduis-nous ce matin, conduis-nous à bien comprendre pourquoi Jésus de Nazareth est Dieu et pourquoi il a le privilège d'intervenir dans l'histoire de l'humanité. Conduis-nous par ton Esprit Saint, car sans lui, nous ne pouvons comprendre la vérité. Au nom de Jésus, amen. Si je résume un petit peu ce que nous avons vu jusqu'à date, nous avons vu Dieu décide de se révéler par Jésus, qu'il transmet à un ange, qui se transmet à Jean, et Jean transmet à l'Église. Il veut produire dans l'Église, trois choses qu'on a vues ensemble. La persévérance de ceux qui croient en lui. Il veut amener la repentance de ceux qui ne croient plus en lui. Et il veut amener l'adoration dans le cœur de l'Église. Pendant que Jean reçoit l'Apocalypse, il est sur l'île de Patmos, en prison, à cause de la foi. Et là, il a eu une vision, on a vu ensemble au chapitre 1. Et dans cette vision, Jésus va parler par Jean à sept églises de l'Asie. Il va dire à l'Église ce que lui voit dans l'Église. J'ai dit, et je répète un peu ce matin, nous n'avons pas la capacité de voir nous-mêmes notre propre cœur. Donc, Jésus intervient et il décrit l'Église à l'Église. Et c'est important que nous acceptions de sa part la description qu'il fait de l'Église. Et ensuite de ça, on a vu que Jésus dit à Jean, monte ici, dans une deuxième vision, il dit, monte ici, j'ai ouvert une porte pour toi et fait que tu puisses voir ce qui va arriver dans l'avenir. Et quand Jean arrive, si je peux dire ça comme ça, dans le ciel, il voit un trône. Et là, il prend tout le chapitre 4 pour décrire la personne qui est assise sur le trône, qui est Dieu. Et là, il dit à la fin du chapitre 4, « Tu es digne, notre Dieu, notre Seigneur. Parce que tu as créé toutes choses et toutes choses existent par toi. » Donc, il dit « Tu es digne de faire, de diriger, d'intervenir, de décrire l'avenir du monde parce que tu es le créateur de ce monde. » C'est important parce qu'à partir du chapitre 6, ce qui va arriver, ça va être des catastrophes planétaires continuellement pendant plusieurs chapitres. Pourquoi est-ce que Dieu doit de faire cela? Parce qu'il est le créateur de ce monde. Et ce matin, nous allons voir le chapitre 5 et l'auteur va nous donner la raison pourquoi Jésus a le droit aussi, pourquoi il est digne lui aussi d'intervenir dans l'histoire de l'humanité. Pourquoi a-t-il le droit, lui, de déverser sa colère sur le monde entier? Parce qu'on va voir, cachez-nous de la colère de l'agneau. Donc, comment ça qu'il a le droit, lui, de faire cela? C'est ce que nous allons voir ce matin ensemble. Lisons ensemble chapitre 5, verset 1. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit, en dedans et en dehors, scellé de sept sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre, ni le regarder. Et je pleurai beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses sept sceaux. Donc, Jean, pendant qu'il regarde ce personnage assis sur le trône, il voit dans la main de celui qui est assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors. Certaines Bibles vont traduire par rouleau. C'est plus facile à comprendre quand on dit écrit en dehors et en dedans, c'est parce que le rouleau, c'était comme une espèce de parchemin. On avait écrit sur les deux bords de la feuille. C'est la même chose sur un livre, on écrit sur les deux bords de la feuille. Donc, c'est des dispositions des feuilles. Faut pas trop chercher à voir. C'est-tu un livre, c'est-tu un rouleau? L'important, c'est il contient un message, ce livre-là. Un message de la part de Dieu. Un message de la part de celui qui a créé les cieux et la terre, qui a créé l'histoire de l'humanité. Et ce livre-là, il contient un message et est scellé de sept sceaux. Donc, on a mis sept sceaux pour empêcher qui que ce soit de l'ouvrir. Et le chapitre 6 voit être le dévoilement de ces sceaux-là. Un ange puissant criait, Jean l'entendait crier d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? Rompre les sceaux, ça ne veut pas juste dire qu'il va casser les petites affaires de cire ou qu'il va couper certaines choses qui retient le livre. C'est que on va voir que celui qui en est digne va ouvrir un sceau à la fois et le sceau enclenche des choses ou décrit des choses. Donc, ça lui donne une grande autorité à celui qui a le livre et qui peut ouvrir les sceaux, rompre les sceaux. Qui est digne? Qui mérite? Qui a le droit d'ouvrir les sceaux ou de rompre les sceaux? Et on fait le tour de l'univers, dans le ciel, sur la terre, sous la terre. Personne ne fut digne de regarder le livre et d'en ouvrir les sceaux. Personne dans ce monde, ni dans l'autre monde, ni sous la terre, personne dans l'univers a le droit ou est digne d'ouvrir ce livre et d'en rompre les sceaux. Ce n'est pas l'homme qui détermine son avenir. Ce n'est pas l'homme qui a l'autorité sur ce qui l'entoure, malgré qu'il voudrait bien nous laisser croire. Il voudrait bien le proclamer à tout le monde, qu'il a le contrôle de ce qui se passe. Mais l'être humain n'a aucun contrôle sur ce qui se passe dans l'univers. On essaie de comprendre qu'est-ce qui se passe. Et on a de la misère. On est loin d'avoir le contrôle. Mais qui est digne? Aucun être vivant qui a été créé. Jean pleure, Jean est triste, il aurait voulu savoir, parce que Jésus lui avait dit, je vais te faire connaître ce qui s'en vient dans la suite, je vais te faire connaître l'avenir de l'Église, l'avenir du monde dans lequel toi-même, Jean, tu vis. Il est triste de ne pas pouvoir savoir que ce que contient le livre. Mais un des 24 vieillards, un des êtres angéliques, selon ma compréhension, qui est là, il dit: Ne pleure pas, Jean, ne pleure point. Il y a quelqu'un qui est digne. Le lion de la tribu de Juda. Prophétie faite à Jacob à la sortie de l'Égypte. Rejeton de David. Prophétie faite à David que il y aura un roi qui régnerait dans le monde éternellement. Il a vaincu pour ouvrir le livre et les sept sceaux. Il a vaincu. Donc, ce lion de Juda, qu'on connaît comme étant Jésus, ce rejeton de David, qu'on sait que c'est Jésus, a vaincu pour ouvrir le livre et les sept sceaux. Il a vaincu quoi? Le monde. Il a vaincu, il dit lui-même pendant qu'il est sur la terre, j'ai vaincu le monde, j'ai vaincu le péché, j'ai vaincu la mort, j'ai vaincu l'opposition. Donc, tu vas vaincre dans un combat, tu vas vaincre dans une guerre, tu vas vaincre dans, quand il y a une menace, quand il y a que je peux dire, un opposant. Je peux pas vaincre s'il n'y a pas d'ennemi. Donc, je vais vaincre l'ennemi, je vais vaincre l'opposition, je vais vaincre celui qui attaque. Il dit, j'ai vaincu la mort, j'ai vaincu celui qui veut détruire le monde, celui qui veut détruire l'Église, j'ai vaincu. Donc, j'ai le droit, je suis digne d'ouvrir le livre et les sept sceaux. C'est ce qui rend Jésus digne. Il a vaincu. Nous allons continuer à lire, nous allons voir, je pense qu'une description de cela. Et je vis au milieu du trône des quatre êtres vivants, au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait sept cornes et sept yeux, qui sont les sept esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint, il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les quatre êtres vivants, les 24 vieillards, se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes remplies de parfums qui sont la prière des saints. Ils chantaient un cantique nouveau en disant, Tu es digne de prendre le livre, d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé, tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume de sacrificateurs pour notre Dieu et ils régneront sur la terre. Je regardai et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône, des êtres vivants et des vieillards, et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte, L'agneau a été immolé, est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre et sous la terre, sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient à celui qui est assis sur le trône, à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire, la force, au siècle des siècles. Et les quatre êtres vivants disaient Amen. Et les vieillards se prosternèrent et adorèrent. Donc, l'auteur continue à décrire ce qu'il voit. Il dit, je vis au milieu du trône un agneau qui est immolé ou qui est comme immolé. Et il y avait sept cornes qui représentent la puissance. Dans l'Apocalypse, les cornes, c'est la puissance. Et les sept yeux qui sont les sept esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Donc, voici un agneau qui a beaucoup de puissance. En tout cas, moi, je dirais sept cornes. Ça représente toute la puissance, le tout-puissant agneau, et il y a sept esprits de Dieu, il y a l'omnipotent, l'omniscient, l'omniprésent, cet agneau est Dieu. Hein, on sait que si on avait été des chrétiens du temps de Jean, on aurait compris que cet agneau-là, c'était Jésus qui avait été présenté dès le début par Jean-Baptiste comme étant l'agneau immolé. Donc tout le monde qui est chrétien pour un peu de temps comprend qu'ici, l'auteur parle de Jésus. Il voit cet agneau se lever et prendre le rouleau ou le livre qui est dans la main de Dieu qui est assis sur le trône. Et aussitôt qu'il prend le livre, il y a une réaction céleste, il y a une réaction de tout le monde, de tous les êtres qui sont dans le ciel. Au verset 8, les quatre êtres vivants, les 24 vieillards, se prosternent devant l'agneau, signe d'adoration. Oh, si Jésus n'était pas Dieu, c'était un scandale dans le ciel, devant Dieu lui-même qui est là sur le trône, on se prosterne devant un autre que Dieu. Non, c'est Dieu. C'est notre Dieu trinitaire. Et chacun a une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Oh, j'aimerais bien savoir ce que les saints demandent. Mais je crois qu'on peut les voir comme une forme de louange et d'adoration. Tous les anges, tous les vieillards, tout ce qui est là, se réunit et glorifie, unit leur voix pour crier à Jésus des louanges. Qu'est-ce qu'ils font, tous ces gens-là? Ils chantent un cantique nouveau et ils disent, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux. Car tu as été immolé et tu as racheté des hommes de toute la terre pour faire un peuple à Dieu, pour créer un peuple à Dieu. Tu as été immolé. C'est ce qui te rend digne de recevoir les louanges de tous ceux qui sont dans le ciel et de tous les saints sur la terre. Il dit au verset 11, et j'entendis une voix qui criait. Ils étaient des myriades de myriades au verset 11. Il disait, l'agneau immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Il est digne autant que celui qui est assis sur le trône, qui a créé le ciel et la terre. Lui est digne aussi de recevoir toute la même adoration, toute la même louange, toute la même honneur, parce qu'il a été immolé et a racheté de toute la terre des hommes et des femmes de tous les temps pour créer à Dieu un peuple d'adorateurs. Tout le monde dans le ciel qui est là adore Dieu. Tout le monde se jette face contre terre, les quatre êtres vivants, les 24 vieillards. Je crois que l'Église se joint ici à tout ce monde-là par leur prière. Et ils adorent Dieu et Jésus. Et ils donnent à Dieu et à Jésus, chapitre 4 et chapitre 5, et leur donnent à tous les deux le droit de faire tout ce qu'ils veulent dans les cieux et sur la terre. Ils ont le droit de faire tout ce qu'ils veulent avec l'Église, parce qu'ils ont créé l'Église, ils ont sauvé l'Église, ils ont racheté les gens dans l'Église. Et je crois que en présentant la coupe des prières, ça va revenir au chapitre 7, ça, toute la coupe des prières des saints donne à Dieu l'honneur, la louange, la force, l'honneur, tout ce qu'on veut offrir d'adoration. Parce qu'ils ont été rachetés, sauvés, créés par Dieu et par Jésus. C'est ces deux chapitres-là qui donnent à ces deux êtres-là le droit de faire ce qu'ils vont faire à partir du chapitre 6 jusqu'au verset 22. Chapitre 6 jusqu'au chapitre 22, excusez. Donc, prions ensemble ce matin et courbons-nous devant ces deux êtres merveilleux. Notre Père du ciel, notre Seigneur Jésus, nous nous courbons avec les quatre êtres vivants. Nous nous courbons avec les 24 vieillards. Nous nous courbons avec les myriades de myriades, avec les milliers de milliers qui sont dans le ciel et qui t'adorent et se prosternent. On se joint à eux, nous tous les saints, nous les sacrificateurs, on se joint à eux et on se prosterne, on te loue et on te donne le droit d'intervenir dans ce monde comme tu le veux, car tu en es digne.